la réalité est irréelle. Saint James del Piolo, Didi Stone, Bossal et la maman Likita, Alembe Seke. Aïe, Alida. Bébé Loba qui nanga le jour d'après. École Kateo Kozonga déjà. Lele komi basanza ba journée pico. Yozoyate Alidore Alio Loba qui nanga nana la suite. Ami tungi sate bolingo nanga iyo. Alio Loba qui est ça pour la vie. Elle en a d'accord à biso silence et comme roi. Elle en a d'accord à biso insomnie comme loi. Ata moto te ya koti anga toi. Ata na bimi na zongi na kouretat. Moto a koto na ngate anga amawa. Bolingwa zate. Ali Doré. Je ne dors pas la nuit. Elle a pris comme ça Tarzan pour ganga ganga ka. Et copie moi la bandite na katia zamba. Et c'est moi ya boulingo ya gêne. Alizon anna koma Tarzan. Aliez a fleur ou roi sope la kamaï et moko. Na tongo na réveil. Salaire, mais un salaire comme un 5 000 euros. Bébé nanga itala sima mona lidol Salo zonga we Soki yo zongi te okwe kokuta moto divisé par deux Wata kutu moto ya beta kangonga Ya katoliko soki ya bili ya koki yo sede men amour te Mona ya lidol Salo zonga wa Salo zonga na kodaye oh, mama. Soko zongi te okwe yo kasa mwa milo Je t'adore.